À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le Cercle bulgare d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-il a inséré dans son page d'internet le texte intégral de son œuvre classique « Le socialisme est une science ».